Chapitre 12. Rechercher la protection d'un autre qu'Allah fait partie du polythéisme. Allah le Très-Haut dit: Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Verset 6 de la Sourate Les Djinns. Kaoula bint Hakim, qu'Allah l'agré, a dit: J'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire: Quiconque fait une halte à un endroit et dit: Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé, aucun mal ne le touchera jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Rapporté par Muslim dans le livre du rappel et de l'invocation. Les points à retenir. Premier point. L'explication du verset de la sourate Les Djinns. Deuxième point, rechercher la protection d'un autre qu'Allah fait partie du polythéisme. Troisième point, le hadith cité est un argument à ce sujet. En effet, les savants l'utilisent pour prouver que les paroles d'Allah ne sont pas créées, car rechercher la protection d'une chose ou d'un être créé est une forme de polythéisme. Quatrième point, le mérite de cette invocation, citée dans le hadith, malgré sa concision. Cinquième point, le fait qu'une chose entraîne un bienfait matériel, comme la protection d'un mal ou l'attirance d'un bien, ne prouve pas qu'elle ne fait pas partie des actes polythéistes. Commentaire. Sur le titre, rechercher la protection d'un autre qu'Allah fait partie du polythéisme. La préposition du, du, min, dans l'expression min ashirk, signifiant fait partie du polythéisme, est partitive. Et le polythéisme désigné ici est le polythéisme majeur, car l'article est lié au terme polythéisme, renvoie à ce qui a été précité, à savoir que rechercher la protection d'un autre qu'Allah est une forme de polythéisme majeur. Le terme isti'ada signifie demande de protection. D'ailleurs, les verbes commençant par isti ont souvent un sens de demande. Al-ayyad désigne la demande de préservation contre le mal. Or, la demande est un type d'orientation et d'invocation, car il y a un être à qui on formule une demande. Si cet être est de degré plus élevé que l'être qui formule la demande, alors l'acte se nomme invocation. La réalité de l'isti'ada est donc la demande de protection qui est en fait l'invocation comprenant cette demande. Or, il s'agit d'une invocation, c'est en fait une adoration, et l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah Azzawajal par consensus et selon les preuves textuelles comme la parole d'Allah. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Verset 18 de la sourate Les Djinns. Et sa parole, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Sourate Les Bestiaux, verset 151. Nous pouvons même affirmer que toute preuve indiquant l'unicité d'Allah Jalla wa'ala dans l'invocation ou l'adoration est une preuve concernant la demande de protection en particulier. L'isti'ada valable est celle adressée à Allah et celle qui regroupe l'acte apparent de demande de protection, c'est-à-dire la demande d'être préservé ou sauvé d'un mal, et l'acte caché qui consiste en l'orientation du cœur, sa quiétude, sa nécessité et son besoin vis-à-vis de celui à qui la demande est formulée. Il consiste aussi au fait de s'accrocher et à s'en remettre à lui pour obtenir le salut. Par consensus, cette isti'ada n'est valable que pour Allah Azzawajal. Cependant, si une personne affirme que rechercher la protection d'une créature est valable, si cela entre dans ses capacités, c'est parce qu'il existe certaines preuves à ce sujet. Néanmoins, nous répondons que ceci concerne la demande de protection par la parole, tout en ayant le cœur rempli de quiétude envers Allah, orienté vers lui, en ayant une bonne opinion à son sujet, c'est-à-dire note du traducteur, confiant qu'Allah va exaucer la demande, en considérant que le serviteur à qui la demande de protection a été formulée n'est qu'une cause. La demande de protection ici n'est donc qu'apparente. Quant au cœur, la réalité de la demande de protection ne s'y est pas manifestée. Dans ce cas précis, cette demande envers une créature est autorisée. C'est ainsi qu'apparaît la nullité des propos des fabulateurs affirmant que la recherche de protection des morts, des djinns et des saints est permise. La demande de protection n'est autorisée qu'auprès des créatures qui sont capables de protéger, et c'est Allah qui leur a accordé cette capacité. Sur le sens du verset, or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Le terme détresse, rahara, désigne la peur et la panique éprouvées par le cœur, sentiment qui engendre cette détresse. En outre, la détresse peut toucher les corps comme elle peut toucher les âmes, car il s'agit d'une punition pour avoir recherché protection auprès d'un autre qu'Allah. Or, une punition ne concerne qu'un péché, et le verset indique que ces gens ont été blâmés car ils ont voué cette adoration à un autre qu'Allah Jalla wa'ala. De plus, il, Jalla wa'ala, a ordonné de demander protection à lui et à personne d'autre. Il y a une autre explication au terme détresse qui est celle de Rafa'ada et de certains prédécesseurs, Salaf, à savoir que le terme détresse signifie péché, ce qui implique clairement que rechercher la protection d'un autre qu'Allah accroît la quantité de péché. Kaula bint Hakim, Kalalagri, a dit: j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire: quiconque fait une halte à un endroit et dit. Ce hadith mentionne l'explication faite par le prophète, alayhi salatu wa sallam, du mérite de rechercher protection auprès des paroles d'Allah. En outre, c'est par les paroles d'Allah azza wa jal et contre les créatures néfastes que la demande de protection est formulée. Sur la partie du hadith, contre le mal qu'il a créé. C'est-à-dire contre le mal créé par Allah Jalla wa'ala. Ce terme général concerne seulement les créatures dans lesquelles le mal se trouve, car il existe des bonnes créatures dans lesquelles le mal n'existe pas, comme le paradis, les anges, les messagers, les prophètes et les saints.